Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. On ne faisait pas que suivre les aventures de Tintin à la radio au début des années 60, trois fois par semaine. On écrivait aussi. On écrivait à Tintin RTF, 107 rue de Grenelle, Paris 7e. On lui posait des questions à Tintin. On en posait aussi à Milou ou à Haddock, parfois à Hergé. On donnait son adresse, on joignait une enveloppe timbrée, à tort, pas besoin de timbre, pour recevoir un dessin et une photo d'Hergé. Que sont devenus ces dessins ? Dans le feuilleton, toujours en ce début des années 60, on s'amusait du téléphone et de ses embarras, des mauvaises connexions, de cette boucherie sans eau tellement présente. Et pour revenir au courrier des auditeurs, on entendait des messages parfois sibyllins, voire intrigants. Ainsi celui-ci, « Pour le suspense, Brigitte, vous avez presque tout le monde contre vous. » Si vous voulez mon avis, Tintin, dit Haddock, cette histoire n'est pas terminée. Et non, puisque voici les épisodes 17, 18, 19 et 20, diffusés pour la première fois sur France 2 régionale les 11, 13, 15 et 18 avril 1961. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Aujourd'hui, l'affaire Tournesol, 17e épisode. Nous avons laissé nos amis en pleine campagne alors qu'ils venaient d'essuyer un nouvel échec, Tournesol étant une fois de plus enlevé sous leurs yeux et en avion. Tintin a bien essayé de monter en marche, mais l'appareil des ravisseurs a décollé au moment précis où il tournait la poignée de la porte. Emporté par son élan, notre ami est allé s'affaler dans un tas de foin. Il va en sortir quand un appel angoissé du capitaine lui parvient. Celui-ci est resté accroché à une clôture de fil de fer barbelé. Tintin parvient à délivrer son vieil ami, mais la vareuse et le pantalon n'y résistent pas. Enfin, les deux amis vont inspecter la Chrysler abandonnée. Tenez, regardez, capitaine, qu'est-ce que je vous disais ? Ah, vous aviez raison, tonnerre de Brest. Le siège arrière est creux. Oh, les formes. C'est là qu'il avait caché Tournesol, ce pauvre Trifon. Bon, écoutez, ne perdons pas de temps. C'était un avion Sildave. Là-dessus, aucun doute. Bon, eh bien, retournons à Genève et prenons le premier avion pour la Sildavie. Voilà. D'accord, j'en profiterai pour changer de costume. Celui-là est en lambeaux et je ressemble à un épouvantail. Alors en route, allez, viens, Milou. En route. Ils remettent le cap sur la Suisse, mais n'atteignent Genève que dans la soirée, fourbus, agacés, impatients. Une nuit de repos et nous les retrouvons le lendemain matin dans le hall d'une compagnie aérienne. Beaucoup de monde, des voyageurs sac au dos ou valises à la main. Pendant que vous prenez les billets, je vais acheter les journaux au kiosque. Ensuite, je téléphonerai à Moulinsart. Parfait, alors retrouvons-nous au bureau de la Suissair. A tout de suite. Allez, viens, Milou. Le journal de Genève, s'il vous plaît, madame. Le journal de Genève ? Voilà, monsieur. Merci. Je vous prendrai aussi ces deux brochures. Servez-vous. Alors, ça vous fait 25 centimes, 1 franc 20, 1 franc 55, 3 francs, tout rond. 3 francs, tenez. Merci, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Voyons les nouvelles. Oh, mille sabords. Grave incident bordure au Sildave. Des chasseurs bordure forcent un avion Sildave à atterrir en territoire bordure. Oh, tonnerre. Il faut que je montre ça à Tintin. Un communiqué du ministère de l'air de Bordurie relate qu'un avion Sildave a été intercepté par des avions de chasse bordure. Oh, c'est formidable. Inouï. J'en ai les jambes coupées, moi. Oh, maudite valise. Mais c'est le marinier. Vous pouvez pas regarder où vous... Oh, les hommes au chapeau vert, encore vous. Quoi ? Qu'est-ce que vous fichez ici, hein ? Vous cachiez derrière votre journal, hein ? Non, vous nous charriez ? Et vos valises ? Vous ne pouviez pas les mettre ailleurs que sur mon chemin, non ? figure d'énergumène. Comment? Rejeton, pléonage. Oh, ça suffit, hein, vous. Mais ce rôle est public, nous avons le droit de nous... Le droit de quoi, hein? Dites-le voir. Ne criez pas si fort. Je crierai si ça me chante, espèce de pachibouzouk des Carpates. Oh, ça suffit, hein. Déjà l'autre jour, à l'hôtel, vous nous avez insultés. Ah oui, cette fois, c'est la deuxième et j'en ai assez de voir vos sales trombines. Un conseil, que je ne vous retrouve pas sur mon chemin une troisième. Oh, monsieur est encore pressé, sans doute. Parfaitement. Bougre le faucheton à la sauce tartare. Je suis pressé, hein, heureusement pour vous. Oh, mais ce pêcheur commence à... Ah, mais laisse, Stéphane, laisse. Pas ici, hein. Oui, tu as raison. Alors, c'est compris, hein. Je ne veux plus jamais vous revoir sur ma route, 1 000 000 000 de tonnerre de Brest. Oh, ces individus commencent à me porter sur le système. Et Haddock s'éloigne. Il fusille du regard les deux hommes en les invectivant violemment. De cette façon, notre ami ne voit pas un poteau porte-enseigne et il l'emboutit avec une telle force que l'enseigne elle-même, une paire de lunettes géantes, vient, en tombant, porter le coup de grâce au vieux loup de mer qui envoie 36 chandelles. Oh, ils peuvent pas accrocher plus solidement leur enseigne par ici. Mais ça va. Et ces deux provocateurs. J'en ai assez, moi. Voyons, où est Tintin? Ah, le voilà. Oh, Tintin! Il y a du nouveau! Eh bien, que vous est-il arrivé? Vous avez mis votre casquette le devant derrière? Rien, c'est un incident. Lisez plutôt ceci, c'est formidable. Voyons. Oh, ça alors! Notre espace aérien a été violé, déclare le gouvernement de Zoode. Inqualifiable agression plexiste, dit-on à Clove. Alors? Ah ben alors, c'est certainement l'avion où était Tournesol. Le voilà retombé aux mains des bordures. Ça change tout. Ah, ils sont tenaces, ces gens-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur, voici vos deux billets pour Clove. Ah oui, les deux billets pour Clove, c'est-à-dire que... Pas question, nous partons pour Zoode en bordurie. Ah, désolé, messieurs, mais pour Zoode, tout est pris. Oh. Oui, les dernières places ont été réservées il y a une demi-heure à peine. Ah, c'est bien notre veine, mille sabots. Ah, cependant, si vous voulez attendre, il arrive que les passagers renoncent au dernier moment. Dans ce cas, tout s'arrangerait pour vous. Eh bien, nous attendrons jusqu'au dernier moment. À votre service, messieurs. Bon, alors vous restez ici, moi je vais demander la communication avec Moulinzade. Entendu, je vous attends. Par les moustaches de plexiglas, tu peux être sûr qu'ils veulent partir pour Zoode. Ah, ils sont acharnés, ces deux-là. Ouais, mais comme nous avons pris les deux dernières places, ils resteront ici. À moins que... Ah, t'as une idée, Stéphane? Oui. Et je me demande si... Quoi? Hein? Suis-moi, tu vas voir. Ouais. Allô? Oui, le 421 à Moulinzard. 421. 421. Merci, j'attends. Allô, Moulinzard? Allô, c'est vous, Nestor? Allô? Comment, qui est à l'appareil? La boucherie sans eau. Encore? Mais non, c'est pas pour une commande, non, c'est rien, c'est une erreur. Allô, mademoiselle? J'ai demandé le 421 à Moulinzard. J'ai eu un autre numéro. Oui, le 421. Allô? Ici Moulinzard, j'écoute. Allô, Nestor? Comment, Nestor? Mais non, voyons. Allô, qui est à l'appareil? Ici le capitaine. Le capitaine? Ici Séraphin Lampion. Quoi? Qui ça? Lampion, Séraphin Lampion. Oh, tonnerre. Ça, c'est plus fort que du Roquefort, hein? Sacré vieux farceur. Oh, ce que tu m'as fait rire avec ton histoire de poursuite en hélicoptère. Non, mais dites donc, qu'est-ce que vous faites à Moulinzard? Ce que je fais ici? Oh, c'est bien simple. Il faisait beau, je suis venu visiter ta cambuse avec madame. Oh, ma cambuse. Eh bien, j'espère qu'elle vous plaît, ma cambuse. Oui, pas mal. Et passez-moi Nestor, je vous prie. Ah, ton larbin? Bon, ne quitte pas, il arrive. Et... il en a une bien bonne à te raconter. Tiens, le voilà, je te le passe. Hein. Salut. Allô, Nestor? Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, Nestor. Monsieur va bien? Oui, merci. Monsieur rentre bientôt? Non, Nestor. Ah, tant pis. Alors, Nestor, quelle nouvelle à Moulinzard? Oh, monsieur, c'est toute une histoire. Ah? Oh, oui, On a dévalisé le laboratoire de Monsieur Tournesol. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Hélas, la vérité, monsieur. Et les appareils? Oh, les appareils ont disparu, monsieur. C'est cette nuit que le vol a eu lieu. Vous avez prévenu la police? Oh, tout de suite, monsieur. Oh oui, les gendarmes sont venus ce matin. Alors, ils ont découvert des traces? Allô? Allô, Nestor? Non! Allô? Allô? C'est moi, Séraphin! Oh, mille millions de mille tonnerres de Brest! Nestor! Nestor! Nestor! Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jackie Ling, le capitaine Haddock, Pierre-Olivier Stéphane, Maurice Nasil, l'homme au crâne rasé, Henri Virelogeux Nestor, Jacques Muller, Séraphin Lampion, avec Milou. Prise de son Jean Jusforc, bruitage et effet sonore Joé Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Josiane Clem, réalisation René Villemet. Bonsoir à tous les amis du feuilleton de Tintin. Vous êtes chaque jour plus nombreux et beaucoup d'entre vous nous demandent de diffuser des aventures qui sont passées sur les antennes de France 2 depuis plus d'un an et demi. Les 7 boules de cristal et le temple du soleil, par exemple. Toutefois, nous pouvons vous rassurer en vous disant que ces deux histoires, nous allons les faire en disque et d'après le feuilleton de la RTF. En attendant, répondons à notre courrier. Oui, enfin, à une partie, car nous en recevons toujours énormément. C'est bon signe, merci à tous. Et en particulier à Solange Denis, une grande amie de Tintin, qui lui demande pourquoi il arrête l'émission au moment le plus palpitant. Mais sans doute simplement pour vous faire désirer plus ardemment la suite de l'histoire, Solange. Bien sûr. Les demandes de photos de Maurice Sarfati sont régulièrement enregistrées et satisfaction sera donnée aussitôt que possible. Idem pour les demandes concernant le dessin original d'Hergé. Et ne craignez surtout pas, jeunes amis, d'être oubliés. Si nous avons reçu votre demande, vous recevrez le dessin, car nous ne perdons aucune lettre. Si par hasard votre commande s'était perdue en route, vous auriez la ressource de nous en envoyer une seconde, tout simplement, puisque pour ce dessin, il n'y a pas de date de clôture. Demande enregistrée. Celle de Bernard Hoc, Bertrand de Gasquet. Merci Bertrand. Guylain Gianiel, Benoît Vasseur, Patrice Leboissard. Merci Patrice. Jean-Michel Baird, mais pourquoi un timbre Jean-Michel? Bravo pour le dessin. Enfin, un très amical salut à quelques auditeurs d'outre-mer. Jean-Yves et Marie-Claire Banor, Suzy Juvenal, Michel Gaspal, Jean-Marc Rivière, Josiane Benamou, Nadia Fi, Pierrette Langenillier. Merci à tous. Prenez patience pour les dessins ou les photos. Personne ne sera oublié. À bientôt. Nous vous quittons. Bonsoir à tous. Bonsoir. La radiodiffusion Télévision Française présente... Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Aujourd'hui, l'affaire Tournesol, 18e épisode. Tintin et Haddock sont actuellement à Genève, d'où ils voudraient gagner par avion la Bordurie. Malheureusement, toutes les places sont retenues et ils ne peuvent plus compter que sur une défection de dernière minute. En attendant, Haddock téléphone à Moulinsart, d'où deux mauvaises nouvelles lui parviennent. D'abord, Séraphin Lampion s'est installé au château avec Madame Lampion, son épouse. Ensuite, le laboratoire de Tournesol a été dévalisé et tous ses appareils ont disparu. Haddock est atterré et va demander des précisions à Nestor quand Séraphin Lampion reprend le téléphone. Allô, allô, Nestor. Allô, vous m'entendez? Allô, c'est Nestor. Non, c'est Lampion. Oh. Je te disais, t'en fais pas, mon vieux, ça vaut mieux qu'une jambe cassée. Fichez-moi la paix avec votre oncle Anatole. Passez-moi Nestor, tonnerre de Brest, où je fais un malheur. Tout de suite, vieille branche, t'énerve pas. Ah, dis donc, ton assurance est prête. Et alors, tu verras, j'ai soigné ça. Tu as tout, absolument tout. Le vol, l'incendie, la grêle, les chutes d'avion... Lampion, mille milliards de mille sabords, je... Allô? Allô? Allô, tenez. Oh, c'est coupé. Oh, oh, je vais devenir fou, moi. Avec les autres, le lac, la bombe, la valise, les barbelés, le lampion qui vaut tout le reste à lui tout seul. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Eh bien, que se passe-t-il encore, capitaine? Ce qui se passe? Oui? Le laboratoire de Tournesol à Moulinsart. Eh bien, vous m'inquiétez. Dévalisé, pillé, vide. Les bandits ont emporté tous les appareils. Sapristi! Quand je pense que ce sont peut-être des complices de ces deux espèces de... Bah tiens, ils ont levé l'ancre? Ben oui, on dirait qu'ils ont disparu. Eh bien, bon débarras. Eh, monsieur... Messieurs, s'il vous plaît. Ah, l'employé de la Squisser. Que nous veut-il? Alors, monsieur, une bonne nouvelle pour nous? On vient de nous téléphoner, messieurs. Il y a 2 places libres dans l'avion de Zoe. Ah, ça, c'est une chance. Oui, mais le car part dans 5 minutes. Est-ce que vous... D'accord, pouvez... nous le prenons. Eh bien, parfait, messieurs. Quelques instants plus tard, les 3 compagnons se hâtent vers le car rouge et bleu de la Swissair. Ils ne savent pas que 2 hommes les suivent du regard. 2 hommes que nous commençons à bien connaître. Allez-y, messieurs. C'est bien volontiers que nous vous avons cédé nos places. Ouais. Et j'espère qu'il vous arrivera pas malheur en route. Ah, après vous, capitaine, vous en prie. Ah, si vous voulez mon avis, Tintin, cette histoire-là n'est pas terminée. Non, vous savez, je me fais pas d'illusions. Tenez, prenons ces 2 fauteuils, si vous voulez. Ah, pas mécontent de m'asseoir. Moi non plus. Tiens, où est Milou? Pas vu. Oh, mais attendez. Attends, une seconde, chauffeur, s'il vous plaît, une seconde. Milou! Milou, où es-tu? Milou! Milou! Ben, où est-il? Milou, nous allions justement en parler. Au moment où Haddock montait dans le car, notre ami à 4 pattes a fait demi-tour en flairant le sol. Sans aucun doute, il cherchait quelque chose. De l'autre côté de la rue, au bord du trottoir, un homme attendait. Une sorte de gommeux très élégant, fume-cigarette aux lèvres, bouquet de fleurs dans une main, l'autre étant appuyé sur un parapluie noir. Un parapluie. Voilà justement ce que cherchait Milou. Et oui, le parapluie noir de Tournesol, qu'il a égaré quelque part. Aussi, à peine a-t-il vu celui-ci, qu'il fonce dessus, le saisit et se sauve, privant ainsi de son point d'appui l'élégant au fume-cigarette qui se retrouve brutalement projeté sur le trottoir pendant que Milou, lui, saute dans le car avec sa prise. Ah, le voilà, regardez, il est allé rechercher le parapluie de Tournesol. Donne, mon toutou, donne, donne. Mais sapristi, ce n'est pas celui de notre ami. En effet, celui-ci a une poignée en bambou. Milou, où diable as-tu été déniché sous ce parapluie? Pas ça! Regardez derrière! Un homme qui suit le car en courant! Oh, je comprends, tonnerre de Brest! Vite, Tintin, passez-moi ce pépin! Voilà! Le coureur de marathon l'a passé le propriétaire! Arrêtez! Vous avez perdu votre parapluie, monsieur! Je vous l'envoie! Attention! Hop! Ah! Sauvage! Ou voleur! Police! Oh, quel maladroit! Il l'a pris en plein sur le museau! Enfin, il a récupéré son riflard, c'est le principal! Mais tout ça ne serait pas arrivé si Milou n'avait pas fait d'excès de zèle! Allez, tais-toi, madame! Tout est rentré dans l'ordre, provisoirement du moins, car tout à coup, Haddock se met à loucher horriblement. C'est le pansement de sparadrap qu'il a sur le nez de Pignon qui vient de se décoller. Non seulement ça gêne notre marin, mais ça l'agace aussi. Oh, et puis j'en ai acheté de cette espèce de rustine. Mon nez doit être cicatrisé maintenant. Allez, ça tire. Ah, ça y est, la voilà décollée. Oui, mais vous l'avez toujours au bout du pouce gauche. Oh, je vais le... Oh, cochon. Il a changé de pouce, il n'y aura pas de jaloux comme ça. Bon, je vous en prie, hein, 1000 sabords de 1000 sabords. J'aimerais bien m'en débarrasser. Qu'est-ce que je vous disais? Oh, regardez, il est allé atterrir sur le chapeau de la dame de devant. Oh, tonnerre, faisons semblant de lire. Oui, c'est le moment. Pardon, madame, vous avez quelque chose sur votre chapeau? Pardon, sur mon chapeau? Oui. Oh, impossible, je l'ai brossé avant de partir. Permettez. Mais laissez mon chapeau. Mais voyez, c'est un morceau de sparadrap. Oh, c'est dégoûtant. Ben, je pense qu'il n'a pas servi. Ben, je l'espère, mais on se demande toujours d'où il a bien pu venir, ce machin-là. Hein? Ben, voilà votre chapeau, madame. Merci, monsieur. Ben, vous gardez le sparadrap? Ben, c'est-à-dire, je voudrais bien m'en séparer, mais c'est lui qui veut pas me quitter. Oh, ça colle, là. Ah, ça colle bien. Hein? Ça perd l'hypopète. Ah, il est parti. Enfin. Bon voyage, petit sparadrap. Ce que le capitaine ne sait pas, c'est que le petit morceau de sparadrap est revenu se poser sur sa casquette. Mais ça n'empêche évidemment pas le car d'arriver à l'aéroport de Genève-Cointrin. Et à 13h40 exactement, le bimoteur de la Swissair décolle, emmenant nos amis vers la bordurie. Ouf, ça y est. Dans 3 heures, nous serons à Zaude. Oui, puissions-nous y retrouver notre pauvre Tournesol? Trifon! Confiance, fiston, confiance. Nous délivrerons Trifon, foi de marin. Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Ealing, le capitaine Haddock, Jacques Muller, Séraphin Lampion, Pierre-Olivier Stéphane, Maurice Nasil, l'homme au crâne rasé, avec les voix de Marcel Lestang et Pierre Laurent et Milou. Prise de son Jean-Jus Forg, bruitage et effet sonore Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Josiane Clem, réalisation René Villemet. Bonsoir à tous. Toujours beaucoup de courriers du continent et de l'outre-mer. L'Algérie, l'Afrique noire, Tahiti, La Réunion, etc. Tous les amis de Tintin qui écoutent là-bas notre feuilleton nous écrivent soit pour nous dire leur sympathie, soit pour nous demander dessins, photos ou correspondants. Bien entendu, dans la mesure du possible, nous essayons de contenter tout le monde. Ainsi, les philatélistes ont eu communication de l'adresse de ce jeune amateur de Tahiti. Quant au dessin original qu'Hergé a voulu exécuter pour les auditeurs de la RTF, et pour eux seuls, il est terminé maintenant et il n'y a plus qu'à l'imprimer. Comme promis, il sera adressé gratuitement à chacun de vous et à son nom. Peut-être aussi sera-t-il numéroté, comme les livres précieux. Les photos, elles aussi, vont être incessamment tirées. Et les amateurs les recevront gratuitement toujours. À ce propos, rappelez-vous, jeunes amis, qu'il est tout à fait inutile de nous envoyer des timbres. Par contre, n'omettez jamais de timbrer les lettres que vous nous adressez. Ceci précisé, nous ouvrons notre carton courrier et en tirons les lettres de quelques amis de Tintin. Pour remercier et rassurer Nathalie Langlais, dites Lily. Une grosse bise, Lily. Alain Guillot, Jacques Blondiot, François Petitjean, Jean Rousseau, Francis Sourguen, Jean-Louis Arzel, Christian Olivier. Bien tardive ta première demande, Christian, mais nous avons fait le nécessaire. Veux-tu nous tenir au courant, s'il te plaît? Et entendu pour le dessin d'Hergé, naturellement. Appel reçu de Claude et Christine Baudry, Jean-Jacques, qui nous envoie sa photo du Finistère, Joël Coquet et Yvon Lebras. Mille merci pour vos dessins si réussis, qui vont enrichir notre collection. Merci aussi pour vos encouragements, vos témoignages de sympathie. Notre gratitude à tous les parents, soit qu'ils signent avec leurs enfants, soit qu'ils écrivent pour leur propre compte. Réponse à Geneviève Loguen de Landerneau. Tu as très bien fait de nous écrire, Geneviève. Entendu pour la signature. Mais la veux-tu sur la photo de Maurice Sarfati ou non? Comme beaucoup d'auditeurs, Geneviève nous dit que sa chatte dresse les oreilles en entendant Milou aboyer. Oui, c'est vrai. Chien et chat réagissent très bien et sont des auditeurs très attentifs. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Si, c'est vrai. Sylvie Leroy, vous serez bientôt satisfaite. L'oreille cassée débutera sur France 2 dans les premiers jours du mois de mai. Oui, petite Danielle Brie, tu recevras le dessin et meilleure santé, Danielle. Toutes les amitiés de l'équipe à monsieur et madame Pierre Ménager et entendu pour le dessin aussi. Réponse à Jean-Claude Martin de 7 dans l'Hérault. Hergé a été interviewé à ce micro au mois de novembre dernier. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas dire bonjour à tous les amis de son fils, bien sûr. Ta demande a été inscrite, Jean-Claude, et merci pour ta longue lettre. Et voici une enveloppe qui contient un très beau dessin. Oui, il représente un bateau pirate avec le drapeau noir à tête de mort en haut du grand mât. Bravo à l'auteur, Claude Breton, qui nous pose une colle. Claude Breton, de Brest, nous demande l'origine de la carotte devant les bureaux de tabac. Oh. J'allais le dire, mais c'est pas une réponse, j'avoue que je suis bien embarrassée. Eh bien écoutez, moi je crois qu'il faut voir l'origine de cette sorte de capsule rouge dans la forme et le nom que l'on donnait aux feuilles de tabac en les roulant. En tout cas, nos auditeurs nous donneront certainement la bonne réponse et satisfaction à Claude Breton. Nous y comptons beaucoup, merci d'avance. Enfin, nous refermerons aujourd'hui notre carton de courrier après avoir répondu à la lettre de Dominique Marx, boulevard Voltaire à Paris. Pour lui souhaiter meilleure santé d'abord et ensuite le remercier, lui annoncer la diffusion des ouvrages cités pour la rentrée de 1961. Et entendu pour le dessin. Quant à ton écriture, Dominique, elle est très régulière, contrairement à ce que tu prétends. Là-dessus, amis de partout, nous vous quittons. En vous disant bonsoir de la part de Tintin, de Milou et de toute l'équipe. À bientôt. À bientôt. Bonsoir. La radiodiffusion télévision française présente... Les aventures de Tintin... D'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Aujourd'hui, l'affaire Tournesol, 19e épisode. Jusqu'à maintenant, nos amis ont surmonté toutes les difficultés. Plusieurs fois, ils ont failli y rester, mais à l'ultime seconde, leur bon génie intervenait. Ils ont échappé à tous les attentats, oui. Mais leur ami Tournesol est toujours prisonnier des bordures qui veulent lui arracher le secret de sa découverte dans le domaine des ultrasons. Une seule chose est certaine, Trifon est en bordurie. Aussi, Tintin, Milou et Haddock décident-ils de gagner Zod, la capitale bordure. Là, ils aviseront. Nous les retrouvons donc dans l'avion quelque part entre Genève et Zod. Tout va bien à bord, quand soudain... 1 000 milliards de 1 000 millions de 1 000 sabords. Eh bien, capitaine, qu'y a-t-il? Mais regardez-moi ce sparadrap de malheur, mille tonnerres. Par quel tour de passe-passe est-il arrivé à se fourrer sur ma casquette? Soyez juste, capitaine, tout à l'heure, votre voisine de devant a dû se poser la même question. Vous voulez dire que c'est elle qui a fait un retour à l'envoyeur? Je crois que c'est à peu près ce qui s'est passé, oui. Oh, tonnerre, rien à faire. Est-ce qu'on devrait fabriquer des machins comme ça, hein? Je vous le demande. Oh! Milou, allons, tais-toi, Milou, tais-toi. Chut, chut, tais-toi. Le manège va continuer un bon moment. Mais le petit morceau de sparadrap dont Haddock parviendra tout de même à se débarrasser ira papillonner sur le gant d'une dame vers 14h17, puis sur le pouce d'un gros industriel bordure à 14h35 pour atterrir finalement dans le poste de pilotage sur le pouce du premier pilote. Et quelque chose nous dit que ce morceau d'albuplaste n'a pas terminé son voyage. Cependant, à Genève, deux connaissances s'acharnent à demander par téléphone la capitale bordure. Ah, là, là, allô là, là, là, là, là. Allô, mademoiselle, demandez-moi le 322-18 à Zod. Oui, Zod, oui. Comment? Du retard sur la ligne? Mais c'est très urgent, c'est... Urgent, oui, oui. Bon, tâchez d'activer, n'est-ce pas? C'est bien notre chance. Oui, oh, c'est pas encore très grave, tant qu'ils ne sont pas arrivés. Allô? Allô, oui, oui, j'écoute, oui, allô. Allô, Zod, oui. Allô, Zod? Allô? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça répond pas? Si, mais il y a des tas de parasites sur la ligne. Allô? Allô, Zod? Allô, oui, j'écoute. Oui. Allô? Allô? Comment? Allô, allô, allô, c'est vous, colonel? Ici, Springcott. Comment? Oui, Springcott. Enfin, vous voyez bien ce que je veux dire, Springcott. Enfin, vous... Allô? Mais enfin, quoi? Allô, allô, oui. Mais je comprends. Mais je disais Haddock. Haddock. Haddock, oui, une sorte de patron pêcheur barbu. C'est oui. Oh, ça recommence. Allô, allô. Il a bu ? Non, barbu. Il a de la barbe. Ah, sa barbe. Pourquoi ? Oh, la barbe. Ah, enfin ça va mieux. Alors je répète, hein. Deux hommes, dont un barbu, le capitaine Haddock et Tintin, à l'aéroport de Zod. Oui, avec un petit chien, dangereux, à surveiller. Hein. Compris. Mais par les moustaches de plexiglas, quelle friture! Pour les deux bons hommes, j'alerte tout de suite la police de l'aéroport. Compris. Amai. Oui, Amai. Mesdames et messieurs, nous arrivons à Zod. Veuillez attacher vos ceintures, s'il vous plaît. Veuillez attacher vos ceintures, s'il vous plaît. Eh bien, 16h. Dans 2 minutes, nous atterrissons, capitaine. Oui, l'arrivée est prévue pour 16h30. À partir de cet instant précis, il faudra de nouveau ouvrir l'œil. Oui. Hélas, la partie n'est pas encore gagnée. Mesdames et messieurs, voici l'aéroport de Zod. Nous atterrissons. Allô? Ici police de l'aéroport. J'écoute. Amai Plexiglas, chef. Comment? L'avion de Genève? Oui, il vient d'arriver. Comment? Oui? Quel nom? Je note. Entendu. Ce sera fait? Bien sûr. Comme toujours. Amai, chef. Platfit! Le chef de la police aérienne donne quelques ordres, puis rentre dans son bureau, un sourire sur les lèvres. 2 minutes plus tard, nos amis Tintin, Haddock et Milou vont quitter l'aéroport de Zod. Eh bien, je vous avoue que je commence à respirer. Je me demandais si notre arrivée n'avait pas été signalée. Je vois que... Oui, faut s'attendre à tout avec ces bougres-là. Oh oui. Stop. Ah, ça m'aurait étonné. Qu'est-ce qu'il y a? Vous, capitaine Haddock et vous, Tintin. Oui, mais... C'est moi, oui. Faut venir, chef. Vouloir parler à vous. Votre chef, mais qu'est-ce qu'il nous veut, votre chef, hein? Faut le savoir bientôt. Ouais, suivons-le, capitaine, il n'y a rien d'autre à faire, de toute façon. Je le crains bien, tonnerre de Brest. Mais dis donc, vous avez une tache sur votre vareuse derrière vous. Une tache rose, c'est... Oh! Eh ben quoi? Oh, regardez le petit morceau de sparadrap. Oh, mille sabords, il a décidé d'être de la partie jusqu'au bout, celui-là. C'est par là, l'escabeau, par là. Oui, oui, une seconde, nous arrivons, ça va, oui. Dites donc, il est pressé, le militaire. Bien entendu, c'est par un escalier qu'on accède au bureau du chef, et non par un escabeau. Voici donc nos amis chez ce militaire. Signalons en passant qu'il est intégralement chauve. Chauve, mais aimable. Monsieur le capitaine, il est grand honneur pour notre bordurie de salutationner célèbre héros du premier glorieux voyage interplanétaire à Maï. Aussi vous, monsieur Tintin, j'ai fier de serrer une main qui a mis le premier pied sur le sol de la Lune. Je vous salue, je vous salutationne à Maï. Très honoré, à Maï. Les vieux traditions de hospitalité bordure commandent à nous de vigiler à votre confort et à votre sécurité. Amaï. Presti, qu'est-ce que c'est ça? Sur mon doigt, de ma main. C'est un petit sparadrap. Sparadrap pour pansement quand blessure. Un petit bobo, quoi. Ça colle. Milou. Je dis c'est quoi? Oui. Votre sécurité. Sécurité très important. Aussi serez-vous accompagnementé en bordurie par deux interprètes qui guideront vous à chaque minute et partout où il sera votre libre désir d'aller. C'est trop aimable à vous. Ces messieurs, Chronique et Immersec. Monsieur Chronique. Très heureux, monsieur. Monsieur Immersec. Je suis Amaï. Positivement ravi. Ces deux guides sont à votre complète disposition. Ils vont conduire vous à l'hôtel Snowhore où on vous chambre été réservationnée. Je vous souhaite bon plaisir. Amaï. Je vous remercie, monsieur. Amaï. Eh bien, c'est ça. Amaï. Amaï. Flanqués de leurs deux guides en gabardine bleue ardoise et chapeau vert, nos amis prennent bientôt place dans une puissante voiture bleue. Allez donc, capitaine, vous avez remarqué les calandres et les pare-chocs des voitures ici? Non, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Je sais pas, ils font irrésistiblement penser à une paire de moustaches géantes. Vous êtes très bon observateur. Une paire de moustaches, c'est l'emblème de la borderie, en hommage à celle de notre vénéré Plexiglas. Sur notre drapeau, il y a aussi la paire de moustaches à Amaï. Tenez, voici la place Plexiglas. Au milieu, c'est la statue du chef bien-aimé, Amaï. Voyez sur le socle encore une paire de moustaches. C'est pas pour dire, mais ce sont de bien belles bacchantes. Bacchantes, qu'est-ce que c'est, bacchantes? Bacchantes ou moustaches, chez nous, c'est la même chose. Hôtel Snow, nous sommes arrivés. Belle allure. Toujours beaux hôtels pour les visiteurs de marque. Eh, on fait bien les choses en bordurie. Oh oui! Voilà, nous allons nous occuper de vos chambres au bureau de la réception. Oui, donnez dernière instruction pour confort vôtre. Merci beaucoup, messieurs, merci. Eh bien, que dites-vous de tout ça? Prudence, ce sont certainement les deux ostrogoths de Genève qui nous ont signalé à la police d'ici. Il s'agit d'ouvrir l'œil, hein. Et le bon, tu parles? Oh, vite, cachez-vous, vite, Tintin! Oh mon Dieu! Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jackie Ling Haddock, Henri Poirier le colonel Spence, Fernand Rosena le chef de la police, Pierre-Olivier Stéphane, Maurice Nazil l'homme au crâne rasé, Jacques Degore Chromic, Bruno Balpe Immersec et Milou. Prise de son Jean Jusfort, bruitage et effet sonore Joé Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Josiane Clem, réalisation René Villemet. Eh bien, bonsoir à tous les amis de Tintin. Aujourd'hui, notre courrier sera très bref. Réponse à Brigitte Guérin. Entendu, Milou parlera plus souvent, car c'est un vœu exprimé par un bon nombre d'entre vous. Oui, enfin, nous lui demanderons de parler un peu plus, Nicole, mais ça ne veut pas dire qu'il le fera, vous le connaissez. Eh oui. Pour le suspense, Brigitte, vous avez presque tout le monde contre vous. Bien reçu la lettre charmante de Jean Bousquet, dont nous avons transmis les messages à Nestor, à Milou, au capitaine et à Hergé. Un dessin te sera envoyé, Jean, c'est promis. Et merci, Madame Bousquet. Non, le Lotus Bleu n'est plus en librairie, mais il y reviendra certainement. Une poignée de main de Tintin et un coup de langue de Milou à l'intention de Bernard Borel, dont nous avons retenu les commandes. Un grand merci à Mireille Sack. Tes dessins sont très réussis et nous espérons que celui d'Hergé te fera plaisir. Sur ce, nous vous disons bonsoir et à très bientôt. La radiodiffusion Télévision Française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Aujourd'hui, l'affaire Tournesol, 20e épisode. Le professeur Tournesol est maintenant aux mains des Bordures, ceux-ci voulant lui arracher le secret de sa découverte sur les ultrasons. On sait qu'ils n'ont pas hésité à piller son laboratoire de Moulinsart et qu'ils ont emporté tous les appareils mis au point par le savant. Mais Tintin, Milou et Haddock ont juré de délivrer leur vieil ami et se sont bravement lancés dans l'aventure. Trois fois déjà, leur courage a failli leur coûter la vie. Aujourd'hui, pourtant, l'accueil de la bordurie est aimable et on les a pris en charge dès leur atterrissage à Zod, la capitale. Oui, beaucoup de gens étaient au courant de leur arrivée, bien qu'ils n'aient soufflé mot à personne de leurs intentions. Et puis, il y a vraiment beaucoup d'uniformes parmi ces bordures trop attentionnées. En ce moment, nous sommes dans le hall de l'hôtel où deux chambres ont été retenues. Leurs deux guides, en gabardine bleue ardoise et chapeau vert, s'occupent des formalités. Tout à coup, Haddock pousse un cri étouffé et d'une bourrade envoie Tintin dans un coin. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous allez voir. Ne vous montrez pas, mais jetez un coup d'œil. Oui. Oh là là ! Bianca Castafiore ! Oui, nous l'avons échappé belle. Ah bah tiens, voilà nos deux anges gardiens. Vous avez vu ? C'est Madame Bianca Castafiore, le rossignol milanais. Elle chante à l'opéra de Zorode. Si vous voulez, nous irons l'écouter un soir. Ah, elle est sublime dans le rôle de Marguerite de Faust. Je sens que nous allons encore être gâtés. Certainement. Voici les clés. Nous allons vous conduire à vos chambres. Oh, merci beaucoup. Vous êtes vraiment très aimable, monsieur. C'est par ici, si vous voulez. Alors, avant. Allons-y. Premier, deuxième, troisième, quatrième étage. C'est là. Un long couloir recouvert d'un tapis rouge et gris, des appliques au mur, tout ça de bon goût. Les deux sbires s'arrêtent devant une porte. Voilà votre chambre, manière capitaine. J'espère que vous serez satisfait. Hein? Pourquoi pas, après tout, hein? Allez, à tout à l'heure, Tintin. À tout à l'heure, capitaine. La vôtre est un peu plus loin. Il n'y avait plus de chambre contiguë, mais c'est au même étage. Parfait, parfait, parfait. Voilà, nous arrivons. Ah. Nous avons retenu deux des plus belles chambres de l'hôtel Snore. Voilà, vous voici chez vous, manière Tintin. Nous viendrons vous prendre dans une heure pour le dîner. Ah, si d'ici là vous avez besoin de nous, n'hésitez pas à sonner. Nous sommes à votre entière disposition. Je vous remercie, messieurs, merci. Ouais, elle est pas mal, cette chambre, c'est vrai. Mais mon vieux Milou, nous voilà bel et bien prisonniers. Oui, prisonniers. Et que la cage soit dorée ne change rien à l'affaire. J'aimerais bien avoir l'avis du capitaine. Voyons, le téléphone. Allô ? Voulez-vous me passer le capitaine Haddock, s'il vous plaît ? Oui, oui, c'est un voyageur qui vient d'arriver. J'attends, merci. Allô ? Allô, c'est vous, capitaine ? Oui, et si vous voulez mon avis, nous sommes tombés dans un... Comment ? Je dis 1000 sabots. Mais qu'à la première occasion, nous semons nos deux coléoptères. Bien d'accord, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr, c'est... oui, voilà, je pense que vous faites allusion à ces deux papillons que nous avons capturés au bord du lac, à Genève. oui, mais ce ne sont pas des coléoptères, ça, capitaine. Mais tonnerre, ce sont des lépidoptères. Mais qu'est-ce que vous me chantez, là, des lépidoptères ? Lépidoptères, vous-même, galopin ! Mon Dieu, comment lui faire comprendre qu'un téléphone doit être surveillé ? Voyons. Allô ? Allô ? Allô, capitaine, excusez-moi, on nous avait coupé. Je voulais dire, ne pensez plus à ces papillons. Mais c'est vous qui... Non, parlons plutôt de la façon réellement exquise dont l'hospitalité est pratiquée dans cet adorable pays. Comment, mais vous êtes... Quelle délicatesse, quel tact. Mais permettez que... Et puis leur courtoisie, et puis surtout aussi leur, Enfin, comment dire... leur amabilité, hein, c'est ça, une amabilité vraiment... une amabilité aimable. Mais d'abord, mais qu'est-ce qui vous prend? Oh, tonnerre de Brest, le revoilà. Mais capitaine! Cette fois, mon ami, je vais vous flanquer par la fenêtre. Je vous ai assez vu. Voulez-vous me lâcher, tonnerre? Capitaine, qu'est-ce qui se passe? Encore un attentat? Mais non, mais d'abord, c'est ce tonnerre de Brest de Sparadrap qui s'agrippe à mon doigt. Oh, je croyais pourtant l'avoir semé en route, cette cochonnerie. Bon, bonne chance, je vous laisse vous expliquer avec lui. N'oubliez pas que dans une heure, nous descendons dîner, hein? Soyez sans crainte. À tout de suite. C'est dans la salle à manger de l'hôtel Znor que nous rejoignons nos amis. Ils sont attablés avec les deux bordures, Kronik et Immersek. Le dîner touche à sa fin. Tout s'est bien passé. Les plats étaient fins, les vins de qualité. Et les bordures les ont très largement appréciés. Très drôle histoire. Très, très, comme, très, très humoristique. Capitaine, en l'honneur de ces messieurs, je vous propose d'offrir une coupe de champagne. Du champagne? Offrir du champagne à ces zones? Oh, mon pied. Vous êtes fou, qu'est-ce que vous... Oh, pauvre capitaine, vos rhumatismes, n'est-ce pas? Rhumatisme. Oui, oui. Vous avez de ces idées, vous, tonnerre. Le champagne est un excellent remède contre les rhumatismes. Vous appelez le sommelier? Oui, bon, puisque vous y tenez. On apporte bientôt le champagne. Ce qui fait oublier au capitaine le coup de pied un peu vif que Tintin lui a donné sous la table au moment précis où le vieux loup de mer allait faire une sottise. Les unes après les autres, les bouteilles défilent. Et ce défilé étonne même les garçons qui pourtant en ont vu d'autres. Oh, dis donc, ils en mettent un coup à la table 7. C'est leur quatrième bouteille de veuve Clicquot. Sans compter s'ils ont liquidé avant. Commence tout de même à y avoir un peu de vent dans les voiles. Regarde. Oui, oui. Ah ben, tu vas voir quand ils vont se lever. Pas bête, manier tata. Vous voudriez nous griser pour savoir où se trouve le professeur Tournesol. Tournesol, oh là là, Tournesol, vous savez moi. Oui. Mais vous ne saurez rien. Nous serons muets comme des tartes. Non, comme des carpes. Des parcs. Non, des carpes. Carpes. Vous savez, Tournesol, il n'a qu'à se débrouiller. Hein. Oui. C'est ça. Il n'a qu'à se débrouiller. D'ailleurs, moi, je ne sais rien, parole. C'est Sponge, le chef de la ZEP, notre police secrète, qui est au courant. Et Tournesol... Bon, laissez-la cet étourdi de Tournesol. Il est temps d'aller dormir. Allons, capitaine, il est tard, on monte. Oh, mais déjà, mais la bouteille n'est pas vide. Je la prends, Immersek. En route, monsieur. Soutenez le vôtre, capitaine, moi je m'occupe de Kronik. Vous nous reconduirez bien jusqu'à nos chambres, n'est-ce pas? Oui. Et on videra la bouteille là-haut. On videra. À maille pleine de tigas. Allons-y doucement, attention à la chaise. Hein. Oh, bah, qu'est-ce qui tienne, dit-on? L'usage de l'ascenseur s'impose plus que jamais. Nous y voilà. Voilà, c'est ici. Je resterai dans le couloir. Oh, voilà une bonne idée, c'est ça. Allez, entrez dans le couloir. Voilà. Allez, hop, allez-y. Ok, capitaine, le mien est bouclé dans votre chambre. Et le mien dans la vôtre. Parfait. Maintenant, oh! Pour mes tonnerres, il va meuter tout l'hôtel. Attendez, j'ouvre, on verra bien. N'êtes pas encore couché. C'est-à-dire... Je voulais simplement vous remettre votre casquette, manier le capitaine. Merci. Voilà. Et maintenant, je vais me coucher dans le couloir. J'y serai très bien. On y a placé un lit. Bah, c'est ça, allez, bonne nuit. Allez, au revoir, au revoir. Allez, bonne nuit, voilà, au revoir. Ah. Ouf, et maintenant, filons. Nous n'avons perdu que trop de temps. Oui, mais j'ai appris certaines choses qui vont nous être utiles. Venez. Oh, en arrière, vite demi-tour. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Regardez au bout du couloir. Un garçon de l'hôtel et deux policiers en civil. C'est pour nous. Cette porte, vite. Vite, venez, capitaine, vite. Non, 1 000 millions de mille tonnerres de Brest. Manquez plus que ça. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Ealing, le capitaine Haddock, Jacques Degore, Chromic, Bruno Balpe, Immersec, Robert Porte et Jacques Lassalle, deux garçons de restaurant, avec Milou. Champagne. Prise de son, Jean Jusforgue, bruitage et effet sonore, Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante, Josiane Clem, réalisation, René Villemet. Bonsoir à vous tous, jeunes amis de Tintin. Et à vous aussi, parents attentifs. Notre carton de courrier est ouvert, nous épuisons quelques lettres déjà anciennes. Celle de Cécile Tournou, qui, avec ses parents, va s'installer en Hollande. Bon voyage, Cécile. J'espère, comme vous, que là-bas, vous pourrez suivre le feuilleton. Ne manquez surtout pas de nous dire comment vous recevez France 2 en Hollande. À propos du concours, Madame Tournou, le jury ne s'est pas encore réuni. Tous les espoirs sont donc encore permis. Entendu, bien sûr, pour les photos et le dessin original. Les envois seront faits à votre nouvelle adresse, mais patience, s'il vous plaît. Et toutes les sincères amitiés de l'équipe à la famille Tournou. Et maintenant, nous nous adressons en particulier à Jean-Michel Glace, qui habite rue Maillet, à Paris. Jean-Michel, Tintin te promet le dessin d'Hergé. Il est en ce moment en cours de tirage. Mais il t'adresse en revanche une prière et te demande d'être très sage avec ta maman. En effet, Jean-Michel, son petit doigt lui a appris que parfois, à la maison, ça ne va pas très bien. Aussi, il insiste beaucoup pour que tu fasses un petit effort. Il te prie aussi de le tenir toi-même au courant des progrès que tu feras dans ce sens. Si tu es content de toi, si tu penses que ta conduite s'améliore, écris-lui. Ça ferait plaisir à tout le monde. À toi d'abord, à ta maman, à Tintin et à ses amis. Car il leur dit tout. Et à nous aussi, bien sûr. C'est promis. Nous comptons beaucoup sur toi, Jean-Michel. Au revoir. Ces épisodes, les 17e, 18e, 19e et 20e ont été diffusés pour la première fois sur France 2 régionale les 11, 13, 15 et 18 avril 1961. À suivre et d'ici là à réécouter en ligne ou à télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture, ces épisodes et tous les épisodes précédents de la série.